La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les intrigantes intrications du monde quantique. Au début des années 1920, une nouvelle physique se mettait sur pied afin de rendre compte du comportement bizarre au regard des lois de la physique classique, des atomes et des particules. Des concepts radicalement neufs furent alors inventés qui conduisirent les physiciens à penser autrement la matière et les interactions entre ses constituants. Au bout du compte, une décennie d'effervescence créatrice et d'intense labeur aura suffi pour qu'un petit nombre d'entre eux, jeunes pour la plupart, dispersés aux quatre coins de l'Europe, fonde l'une des plus belles constructions intellectuelles de tous les temps, la physique quantique. Cette physique est d'une efficacité opératoire redoutable. Mais elle ne tarda pas à poser des questions inédites et troublantes relatives à son interprétation. Comment comprendre son formalisme? Comment celui-ci se relie-t-il aux expériences? Selon quelles règles l'utiliser? Quel type de discours sur la réalité cette nouvelle physique autorise-t-elle? Ces questions devinrent encore plus vertigineuses lorsque l'on comprit que la physique quantique prédit un phénomène tout à fait étrange. Dans certaines situations, deux particules qui ont interagi dans le passé devraient avoir des liens que leur distance mutuelle, aussi grande soit-elle, n'affaiblit pas. Ce qui arrive à l'une des deux est irrémédiablement intriqué à ce qui arrive à l'autre par l'entremise d'une connexion étrange sans équivalent dans le monde ordinaire. Ce curieux phénomène qu'on appelle la non-séparabilité quantique existe bel et bien. Il fut démontré expérimentalement au début des années 1980. Si Einstein, qui était mort bien avant, en 1955, avait pu prendre connaissance de cette découverte, il serait sans doute tombé de sa chaise, à supposer qu'il fût assis à ce moment-là. Mais bon, j'ai bien conscience que tout ce que je viens de dire là est obscur, que j'ai parlé une langue vaguement dérivée du volapük. Alors, pour que nous y voyons tous plus clair, j'ai invité une personne qui a joué un rôle décisif dans cette aventure extraordinaire et qui, de plus, sait se faire comprendre. J'ai nommé Alain Aspect. Bonjour Alain Aspect. Bonjour Étienne. Je suis ravi de vous recevoir car je me souviens comme si c'était d'hier du jour où j'ai appris les résultats de l'expérience que vous avez menée au début des années 80. Vous êtes physicien spécialiste de l'optique quantique. C'est vous qui avez donc démontré avec quelques collègues cette fameuse non-séparabilité quantique. Vous avez reçu la médaille d'or du CNRS en 2005, la médaille Albert Einstein en 2012 et la médaille Niels Bohr en 2013. Et vous venez de publier un petit livre qui s'intitule « Einstein et les révolutions quantiques ». Ma première question porte sur ces médailles. Vous avez reçu celle qui porte le nom d'Einstein, celle qui porte le nom de Bohr. Sur la mécanique quantique, ils n'étaient pas tous les deux d'accord et ils s'en foutent beaucoup. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des médailles qui portent leur nom? Est-ce que c'est une illustration de la complémentarité quantique? Tout d'abord, c'est une immense joie. Recevoir des médailles qui portent le nom de physiciens aussi grands, c'est un honneur immense. Mais je crois que ça illustre le fait que, bien qu'ils avaient des opinions assez divergentes, finalement, tous les deux sont très importants. Et ils sont très importants tous les deux pour le développement de ma propre compréhension de la physique quantique. Et surtout, ils se respectaient. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends parfois des gens dire « Einstein avait tort »,« Aspect a démontré qu'Einstein avait tort », je rectifie toujours. Einstein a soulevé un problème extraordinaire que personne n'avait soulevé avant lui, ce caractère exceptionnel de l'intrication. Et certes, le résultat des expériences sont sans doute différents de ce qu'il aurait attendu, encore que personne ne peut le savoir, mais en tout cas, c'est lui qui a mis le doigt sur la nature absolument ahurissante de ce phénomène. Alors on va revenir sur cette expérience, mais avant, en effet, quand les résultats ont été annoncés, beaucoup de gens ont dit « c'est la preuve qu'Einstein s'est trompé sur la physique quantique ». Est-ce qu'il ne faudrait pas corriger cette phrase en disant « Einstein s'est trompé sur la nature », c'est-à-dire qu'un phénomène prédit par la physique quantique, dont il pensait, lui, qu'il était impossible, en fait, est naturel? Alors c'est encore un petit peu plus compliqué que ça, parce que je pense pas qu'Einstein imaginait que le phénomène n'existait pas. Einstein s'opposait à la façon dont les résultats des mathématiques était interprété par ce qu'on appelle l'école de Copenhague. Pour faire simple, Niels Bohr et les élèves qui étaient autour de lui. Donc c'est l'interprétation qui contestait et non pas la physique elle-même. Je pense que tout le monde était d'accord sur les résultats des calculs. Et d'ailleurs, bientôt un siècle plus tard, nous en sommes au même point. C'est-à-dire que quand je fais mon cours d'optique quantique avec mes étudiants, je leur dis, hein, tout ça est vraiment assez incroyable, on a beaucoup de mal à se le représenter. En revanche, il y a une chose sur laquelle tout le monde est absolument d'accord, c'est sur la façon de faire les calculs et sur la façon dont ces calculs se relient aux expériences. Alors vous étiez très jeune quand vous avez commencé cette expérience, c'est d'ailleurs le sujet de votre thèse de doctorat, mais est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu le mot « quantique » ? Je ne parle pas de la messe, hein, avec le quantique, avec un petit C, je parle de l'adjectif quantique au sens de la physique quantique. Oui, alors j'ai entendu ce mot lorsque je faisais mes études de licence, à l'époque ça s'appelait la licence, dans les années 60 à l'université d'Orsay, et ce mot était un petit peu obscur. Et en fait, par exemple, le cours que nous avions sur les atomes, semblait être une suite de résolutions d'équations aux dérivées partielles et on voyait pas très bien le lien avec la physique. Le moment où j'ai commencé à voir le lien entre les calculs et puis la physique, les phénomènes physiques, c'est lorsqu'est paru le fameux livre de Claude Coentanoji, Bernardu et Frank Lalloé. J'étais alors coopérant au Cameroun. Lorsque ce livre est sorti, je me le suis fait envoyer au Cameroun. Et là, j'ai commencé à voir quel était le rapport entre les mathématiques qui sont indispensables et ce que peut être le monde réel. Mais vous aviez quel âge ? Eh bien, j'étais coopérant. Je devais avoir entre 25 et 30 ans. Ça veut dire que le mot quantique n'avait pas été employé par vos professeurs de lycée, par exemple ? Si, j'avais un professeur extraordinaire au lycée d'Agen qui nous parlait de la façon dont la lumière est émise, lorsqu'un photon est émis lorsqu'un atome passe d'un niveau à un autre. Et ce professeur, qui a vraiment déterminé le fait que je suis devenu un physicien, nous montrait combien ces choses étaient étonnantes, c'est-à-dire que d'un côté, on nous raconte qu'il y a un photon qui est émis, et puis de l'autre côté, on nous fait une description purement ondulatoire des expériences d'interférence, et puis il nous montrait combien il était difficile de relier ces deux images. Je pense que lui-même ne connaissait pas la réponse, mais je pense qu'il ne faut pas le critiquer pour autant. J'ai entendu Claude Coentanoji dire que c'est une question qui se posait pendant longtemps et à laquelle il a essayé de répondre toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, voilà. La lumière qui a des comportements tantôt ondulatoires si on l'interroge sur un mode ondulatoire, voilà. Corpusculaire si on l'interroge sur un mode corpusculaire. Mais vous qui êtes un spécialiste d'optique quantique, comme je le dis, oui. Est-ce que vous arrivez à vous faire une image du photon ? Non, je me fais des images dont je sais qu'elles sont mutuellement et logiquement incohérentes. Mais j'ai appris à vivre avec parce que, encore une fois, ce qui est incohérent, c'est les images que je me fais quand je cherche à me représenter les choses dans le monde réel dans lequel nous vivons. En revanche, je sais que le formalisme mathématique qui décrit ces phénomènes, il est unique. C'est le même formalisme qui décrit le comportement ondulatoire et qui décrit le comportement corpusculaire. Et donc, je suis obligé d'accepter dans les images le fait qu'il y a des contradictions, parce que si à un moment donné ces contradictions m'amènent à une question, je vais pouvoir répondre à la question en écrivant des équations. Mais la physique quantique n'a jamais été contredite par le moindre résultat expérimental. Ça veut dire que vous avez confiance en elle ? Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et du coup, vous avez dû développer ce que j'appellerais une intuition quantique. C'est-à-dire, oui. Si je vous montre un schéma d'expérience, oui. Un principe d'expérience, oui. Vous êtes capable de dire à l'avance quel type de résultat on va obtenir. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de décrire. C'est-à-dire que j'ai développé dans ma tête des images qui, bien qu'elles soient contradictoires dans une certaine mesure, généralement me conduisent à la bonne intuition. Mais encore une fois, je ne me laisse pas abuser, parce que parfois l'intuition peut être mauvaise. Une fois, vous me décrivez une expérience, et puis je dis « Ah, mais ça, c'est extraordinaire, il doit se passer un phénomène absolument incroyable. » À ce moment-là, nous allons écrire quelques équations ensemble, et nous verrons si mon intuition était bonne ou n'était pas bonne. Mais ça, c'est l'expérience acquise. Mais oui. Quand, lorsque vous étiez jeune, thésard, Vous avez monté cette expérience sur laquelle on va revenir. Mais est-ce que vous saviez dire ce que vous alliez obtenir? Est-ce que vous aviez fait des paris entre vous, entre collègues, sur cette non-séparabilité? Est-ce qu'elle était telle que la mécanique quantique l'a décrit? Ou est-ce que la mécanique quantique révélait des failles démontrées par les résultats de l'expérience? Non, je ne voulais surtout pas faire de paris, parce que quand on est expérimentateur, il faut être aussi neutre et objectif que possible. Et donc, il y a quand même une motivation. La motivation. Qui traduit une attente, donc. La motivation, c'est que à partir du moment où John Bell, je pense qu'on va y revenir, avait démontré qu'on pouvait trancher le débat entre Bohr et Einstein en faisant une expérience, quel plus beau programme pour un bon physicien que de faire une expérience. Mais vous n'aviez pas d'avis sur qui a raison des deux? Ah, au début, certainement pas. Au début, je me disais que tous les résultats étaient possibles. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le résultat, du coup, correspond à ce que Maurice Merleau-Ponty, professeur au Collège de France, appelait une découverte philosophique négative? C'est pas une découverte de philosophie, c'est une découverte scientifique qui vient trancher un débat philosophique ou épistémologique. Je pense qu'au premier abord, on peut dire ça, mais en réalité, comme je l'ai suggéré au début de notre entretien, le résultat de cette expérience et le fait que, du coup, les inégalités de Bell sont violées, a mis le doigt sur le fait que ce phénomène d'intrication est encore plus extraordinaire qu'on ne pouvait le penser. Donc, en ce sens, je ne qualifierais pas ce résultat de négatif, je le qualifierais de positif. Non, mais négatif au sens où c'est pas une découverte de philosophie. C'est une découverte qui vient exclure des pistes philosophiques. C'est en cela qu'il faut entendre négatif. Pour moi, ça n'exclut pas des pistes philosophiques, ça exclut des pistes scientifiques. C'est-à-dire que les corrélations telles qu'on pouvait les imaginer à base de variables cachées, c'était une piste scientifique absolument légitime qui s'est trouvée exclu par cette expérience. Alors, si vous voulez, on va maintenant parler de l'expérience et de son histoire. Alors, vous l'avez rappelé, vous étiez donc normalien, vous étiez de Cachan. De Cachan, ça change rien au fait qu'on est normalien quand on est de Cachan. Et vous étiez donc en train de faire un service militaire de coopération en Afrique, au Cameroun. Et comment est-ce que vous arrive l'idée qu'un physicien qui s'appelle John Bell a écrit un papier incroyable en 1964 qui va vous motiver finalement? Alors l'idée ne m'arrive pas au Cameroun. Au Cameroun, je suis parti avec une frustration. Cette frustration que j'ai décrite, le fait que quand on m'avait expliqué la physique quantique, ça se résumait à résoudre des équations aux dérivées partielles. Et puis arrive le livre de Cohen Tanuji, Dieu et la Loé, qui me permet de maîtriser beaucoup mieux le formalisme et de mieux comprendre que ce formalisme a vraiment une contrepartie dans le monde réel. Je reviens en France, je cherche un sujet de thèse et en discutant avec un jeune professeur de l'Institut d'optique qui s'appelle Christian Imbert me parle de ces inégalités de Bell dont il a entendu parler par Abner Shimoni, qui a été invité par Despagna à Orsay et qui a donné une conférence sur le sujet. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais là, Christian Imbert sort de son tiroir un dossier et me dit « Regarde, à l'intérieur de ce dossier, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour toi. » J'ouvre ce dossier, premier papier, le papier de John Bell. Je suis littéralement tombé de la chaise, c'est-à-dire que 2 heures plus tard, j'avais vu que ce papier était pour moi le problème le plus intéressant dont on m'ait jamais parlé. Vous l'avez compris en 2 heures? Disons 3. Alors, il se trouve que Bernard Despagna, qui a joué un petit rôle dans cette aventure, enfin, en tout cas, qui s'est intéressé à tout cela. C'est par lui qu'est passé le papier. Voilà ce qu'il écrit dans un livre qui s'appelle Regard sur la matière. Il évoque votre expérience. Il dit, voilà. Avec John Bell, nous avons décidé d'organiser à Erice, en Sicile, en 1976, un atelier consacré uniquement à la question de son article. L'un de nos invités fut le physicien Alain Aspect, dont le sous-directeur de l'Institut d'optique, Christian Imbert, que vous venez de citer, m'a fait faire la connaissance. Alain Aspect revenait juste d'une période de coopération en Afrique, je crois, et se proposait de mettre une thèse en chantier. Très intéressé par le problème posé par Bell, il vint à Erice avec déjà en tête le projet qu'il nous exposa, d'un très ingénieux montage expérimental, susceptible d'améliorer grandement la statistique et peut-être la fiabilité des résultats obtenus dans d'autres expériences. Ça ressemble à ce qui s'est passé? Oui, ça m'étonne que Despagna n'insiste pas sur le fait que l'expérience que je projetais était la première à mettre directement en évidence la non-séparabilité par le fait, on va peut-être y revenir, que dans l'expérience que je projetais, je voulais vraiment que le réglage des appareils de mesure soit fait au dernier moment, de façon à exclure toute possibilité d'une communication. Ça, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé lire jusqu'au bout. Ah ben, voilà. Mais il parle du coût de l'expérience. Il dit que le coût n'était pas très élevé, comparé à d'autres expériences de haute énergie, mais il n'était pas nul. Et d'autant que le montage très délicat s'étendit sur plusieurs années. En l'assumant, l'Institut d'Optique montrait quelque audace, surtout étant donné l'attitude d'indulgent scepticisme adoptée par la majorité des physiciens. Je me rappelle qu'à un moment qui me fut dit être critique sur le plan des crédits, je pris même sur moi d'alerter un théoricien américain à l'orthodoxie reconnue et de grand renom, Arthur Whiteman, qui coucha par écrit son intérêt pour l'entreprise d'Aspect. La chose, disons, ne nuisit pas au déblocage d'une rallonge qui aida à la bonne fin de l'expérience. C'est vrai ça? Oui. Vous saviez? Oui, j'ai su aussi que il y a eu un discret soutien d'Alfred Kastler. Bon, vous avez été aidé, mais est-ce que c'est vrai que la plupart des physiciens considéraient que c'était une expérience, quand ils la connaissaient, qui n'était pas cruciale? Oui, inutile. Inutile. Les gens n'avaient aucun doute sur le fait que Bohr avait raison. Il y avait, la doxa était « on sait bien que Bohr a raison contre Einstein ». C'est vrai? Oui, c'était la doxa. Alors maintenant, expliquez-nous l'expérience. Il faut que j'explique d'abord la problématique. Toute histoire. Il faut que j'explique la problématique. La problématique, c'est deux particules, disons deux photons en ce qui concerne mon expérience, mais deux particules sont émises par la même source et elles s'éloignent aussi loin qu'on le veut l'une de l'autre. On va faire une mesure sur la première particule, une mesure analogue sur la deuxième, et on va observer que les résultats de mesure sont corrélés. Corrélés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque mesure individuelle, le résultat apparaît aléatoire. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on a envoyé une pièce de monnaie d'un côté et une pièce de monnaie de l'autre, et on lance la pièce et on observe. Le résultat est aléatoire, c'est soit pile, soit face. De l'autre côté, on observe soit pile, soit face. Que veut dire corrélation? Corrélation veut dire que quand on a pile d'un côté, on a pile de l'autre, et face d'un côté, on a face de l'autre. Alors à partir de là, on se dit, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Alors premièrement, il y a le formalisme de la mécanique quantique, des équations, j'ai déjà parlé plusieurs fois du formalisme, qui me disent ça. Ils me disent, il y a une forte corrélation. Alors on se dit, oui, mais une corrélation, c'est quelque chose que l'on voit couramment. Par exemple, nos auditeurs, qui actuellement, certains écoutent à Lille, d'autres écoutent à Marseille, et il se trouve qu'ils écoutent exactement la même chose. Et la raison est très simple, il y a un émetteur unique, situé à peu près au milieu entre les deux, et ce sont les mêmes ondes qui se propagent vers nos auditeurs. Donc c'est une cause commune qui explique la corrélation. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des jumeaux vrais, des jumeaux homozygotes. Les jumeaux, même s'ils ont été séparés à la naissance et qu'ils ont été élevés aux deux opposés du monde, hein, l'un en Australie et l'autre ici, eh bien malgré tout, ce sont de jumeaux vrais, il y a une forte corrélation sur la couleur de leurs yeux, sur la couleur des cheveux, sur le fait qu'à un certain âge, ils vont développer une maladie d'origine génétique, etc. Et dans tous les cas, l'explication, c'est une cause commune, les chromosomes dans le cas des jumeaux, les ondes de radio dans le cas des auditeurs qui écoutent. Eh bien, l'analyse d'une situation de cet ordre a conduit Einstein à dire « Les deux particules qui vont être analysées possèdent, avant même que l'on fasse la mesure, des propriétés. Les chromosomes pour les jumeaux, l'onde de radio telle qu'elle est arrivée pour la radio. Or, cette idée s'oppose à l'interprétation qui est donnée par Niels Bohr et l'école de Copenhague, qui dit « Non, la physique quantique est un monde bizarre et vous êtes obligé d'admettre que les objets n'ont pas vraiment de propriétés » jusqu'au moment où vous faites la mesure pour révéler cette propriété. Alors pourquoi disent-ils ça? C'est pas par souci de complexifier les choses. C'est parce qu'une des particularités de la physique quantique, c'est que je ne peux pas faire toutes les mesures à la fois. Je choisis soit de mesurer une première propriété, soit de mesurer une deuxième propriété. Pour prendre l'exemple des jumeaux, c'est comme si, lorsque je regarde la couleur des yeux, ça m'empêche de voir la couleur des cheveux, ce qui n'est pas le cas, mais en physique quantique, ça serait comme ça. Et donc, dans la mesure où on ne peut pas mesurer toutes les propriétés à la fois, pour éviter certaines contradictions, Niels Bohr et l'école de Copenhague disent « En fait, la propriété n'existe pas d'avance, elle va être créée en quelque sorte par la mesure elle-même. Elle » Elle est partagée entre l'objet et l'appareil de mesure qui la détermine. Voilà. Mais de notre côté, comment comprendre des corrélations aussi fortes entre les deux jumeaux? L'image habituelle que j'ai développée, celle des chromosomes qui ont été, où la loterie héréditaire a été déclenchée au moment de la naissance et non pas au moment où on regarde la couleur des yeux, cette image est quand même de loin la plus raisonnable et c'est l'image qui était favorisée par Einstein, qui conduisait Einstein à dire, contrairement à ce que racontent les gens de l'école de Copenhague, il y a une réalité physique, la particule, avant même qu'on fasse la mesure, a une réalité physique et la mesure ne fait que révéler cette réalité physique. Donc la mesure serait une opération passive et les objets emporteraient avec eux leurs propriétés physiques. Exactement. On peut penser que c'est ça l'idée du réalisme de la réalité physique d'Einstein. Et a contrario, Niels Bohr a manifestement une intuition que si on accepte cette image, on va tomber dans des autocontradictions pour la physique quantique. Et donc, Bohr s'oppose à ça. Et le débat, et donc ce débat a lieu en 1935, il va se poursuivre jusqu'à la mort de nos deux héros, et il ne sera pas tranché. Et une des raisons, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le débat n'est pas tranché. La première, c'est que la physique quantique accumule les succès. Elle permet d'interpréter un nombre phénoménal de phénomènes qu'on observe dans les laboratoires, de propriétés, propriétés de la matière, liaison chimique, la façon dont la lumière est émise. Et donc, la physique quantique, telle qu'elle a été développée à Copenhague, autour de Niels Bohr, a tellement de succès que les gens ont un préjugé sur le fait qu'il n'y a pas besoin de discuter ce qu'a raconté Niels Bohr. Il y a un argument d'autorité qui n'est pas injustifié. Ou alors ils considèrent que c'est un débat simplement philosophique qui n'intéressait pas les... Alors, deuxième point, les gens disent tout ça n'est qu'un débat sur l'interprétation. Tout le monde est d'accord sur la façon de faire les calculs et sur la façon de comparer les résultats des calculs aux expériences. Donc, après que Einstein et Niels Bohr soient en désaccord sur l'interprétation, on y réfléchira un jour, quand on sera à la retraite, qu'on aura du temps libre, on lira ce qu'ils ont raconté. Et donc, on avait l'impression que c'était un pur débat philosophique, épistémologique. Et puis arrive John Bell en 1965, après la mort et de Niels Bohr et d'Albert Einstein. Et ce que est la découverte absolument ahurissante de John Bell, c'est que ce débat qui a l'air d'être de nature philosophique, en fait, il conduit à des prévisions différentes sur des tests quantitatifs. C'est-à-dire, si on adopte l'image des chromosomes, eh bien, les corrélations ne peuvent pas dépasser un certain niveau, alors que si on adopte le formalisme de la mécanique quantique tel que le connaît, elles vont au-delà de cette limite qu'on appelle la limite de Bell. Ça veut dire, si je comprends bien l'aspect, que John Bell a montré que ce débat philosophique, en fait, avait des implications physiques différentes selon qu'on prenait le camp d'Einstein ou celui de Bohr. Oui, alors Et Bell était partisan d'Einstein, il croyait à un réalisme einsteinien. Bell croyait à un réalisme einsteinien, mais Bell était un grand scientifique, et j'ai parlé avec lui souvent de ça, il était absolument ouvert aux résultats expérimentaux, comme tout physicien digne de ce nom, en tout cas à mon avis, il respectait avant tout le résultat expérimental et j'ai eu l'honneur d'avoir John Bell dans mon jury de thèse et John Bell a parfaitement admis que le résultat de l'expérience était contraire à ce qu'il aurait aimé. Mais il a quand même été surpris et un peu déçu du coup. Oui, je pense. Il l'a écrit d'ailleurs. Alors n'allons pas trop vite. Maintenant, il y a cet article de Bell dont vous prenez connaissance donc... En 74, automne 74, printemps 75. Donc vous le lisez, vous le comprenez en 3 heures, peut-être 4, je oui. sais pas. Et je lis quelque chose d'extraordinaire. Dans la conclusion, John Bell dit, voilà, il y a un moyen d'échapper à la contradiction, il y a un moyen de réconcilier les deux points de vue, c'est que, finalement, comme nos appareils de mesure sont en place depuis longtemps, qu'il y ait une interaction que nous ne connaissons pas, mais qui existe, qui fait que l'appareil de mesure qui est d'un côté a connaissance de la position qu'on a donnée, du choix que l'on a fait pour le deuxième appareil. Et John Bell ajoute « Si on pouvait faire une expérience dans laquelle on changerait le réglage de chaque appareil alors que les particules sont en train de se propager entre la source et les appareils, là on couperait toute possibilité d'une communication directe entre ces deux appareils, et donc là, on serait au cœur du conflit entre la vision einsteinienne et la vision bohrienne. Et c'est là que ça fait tilt. Et c'est là que ça fait tilt. J'ai dit, je veux faire cette expérience. Mais quel... Voilà, donc vous avez utilisé des lasers, mais comment ça marchait les lasers en 73, 74? Est-ce que c'était des appareils aussi fiables qu'aujourd'hui? Certainement pas, c'est même pire que ça. C'est-à-dire, il y a eu une première expérience absolument formidable faite par John Clauser et Stuart Friedman aux États-Unis en 1972. C'était une expérience précisément où les appareils étaient en place depuis longtemps, donc je ne voulais pas refaire l'expérience qui avait déjà été faite. Moi, je voulais changer les orientations des polariseurs. Et cette expérience avait été faite sans laser. Elle était faite avec des méthodes traditionnelles. Inutile de dire que le signal était extraordinairement faible et il fallait accumuler les données pendant des jours et des jours pour avoir un résultat statistiquement significatif. Mais d'emblée, j'ai compris que dans la mesure où je voulais raffiner l'expérience, il allait falloir augmenter considérablement l'efficacité de la source qui produisait les photons intriqués. Or, il y avait Bernard Cagnac, Gilbert Grimbert, qui venait de développer à Paris une technique utilisant les lasers qui s'appelait la transition à deux photons, et j'ai compris tout de suite qu'en utilisant une transition à deux photons, je pouvais améliorer la source par beaucoup d'ordres de grandeur, et juste pour donner une idée, alors qu'il leur fallait des heures et des heures et des jours pour avoir un résultat significatif avec une précision suffisante, eh bien avec la source que j'ai développée, ça m'a pris plusieurs années, utilisant des lasers, j'avais un résultat précis à 1% en seulement 100 secondes. Quand on passe de plusieurs jours à 100 secondes, évidemment ça ouvre des possibilités. Mais à l'aspect, vous étiez quand même un thésard un peu spécial. C'est rare d'avoir un thésard qui a autant d'initiatives et qui... Oui, alors j'ai trouvé... Je ne connaissais rien aux techniques que j'avais besoin d'utiliser, mais j'ai trouvé dans chaque laboratoire qui maîtrisait ces techniques un accueil excellent et de l'aide. Je n'étais pas un concurrent direct, j'étais quelqu'un qui voulait utiliser leurs techniques pour un problème un peu bizarre, amusant, vouloir trancher entre Bohr et Einstein. Bof, ça c'est drôle. Et donc, quand je suis allé voir Bernard Cagnac, tout de suite, il m'a aidé à revoir mes calculs en me disant « Oui, ça va marcher ». Je suis allé au CEA à Saclay rencontrer des gens qui étaient des spécialistes des comptages de photons qui non seulement m'ont donné beaucoup de conseils, mais m'ont prêté beaucoup de matériel parce qu'on avait très peu d'argent, comme D'Espagna le disait. Et j'ai trouvé, en fait... un excellent accueil dans tous les laboratoires. Je suis allé séparément me renseigner pour qu'ils m'enseignent les techniques dont j'avais besoin. Et au fond, mon travail a été un travail d'assembleur. J'ai mis ensemble des techniques dont je ne connaissais aucune au départ et dont je suis devenu le spécialiste avec l'aide de chacun des spécialistes. Vous allez nous raconter un aspect en détail cette expérience. Mais avant, nous allons écouter, pour ménager le suspense, un morceau de musique que vous avez choisi, Arabesque de Debussy. Thank you. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Alain Aspect, je vous reçois pour parler de ce qu'on appelle l'intrication quantique. Vous avez choisi cette arabesque de Buffy, il y a sûrement une raison. Ça évoque un monde un petit peu onirique et c'est pas si différent de ce qu'est la physique quantique qui d'une part se déroule dans des espaces mathématiques abstraits et dont le rapport avec le monde n'est pas toujours simple. Alors revenons si vous le voulez bien à l'aspect à votre expérience. Est-ce qu'on peut dire en quelques minutes en quoi elle a consisté? Alors il a d'abord fallu développer une source émettant des paires de photons intriqués et la solution consistait à exciter des atomes dans le vide. Donc première difficulté, avoir des atomes dans le vide qui n'interagissent pas avec des parois, qui n'ont pas de collision entre eux, il faut qu'ils soient vraiment isolés. Pour ça, on développe ce qu'on appelle un jet atomique, c'est-à-dire on est dans une enceinte à vide et puis on s'arrange pour avoir un jet d'atomes suffisamment loin les uns des autres. Et sur ce jet, on va envoyer de la lumière laser. Chaque atome va être porté dans un niveau excité, choisi, sélectionné en réglant très exactement chacun des lasers. Donc à l'époque, c'était pas facile, il fallait arriver à parfaitement, aujourd'hui c'est standard, mais à l'époque, il fallait arriver à contrôler parfaitement chacun des lasers et c'était loin d'être facile. Et si vous arrivez à exciter l'atome dans le niveau que vous voulez, alors l'atome n'a pas le choix, il ne peut que se désexciter en émettant une paire de photons intriqués en polarisation. Donc il faut ensuite mettre des lentilles pour capturer ces photons et les envoyer sur des appareils de mesure. Et ces appareils de mesure, c'est ce qu'on appelle des polariseurs. Quand on envoie un photon sur un polariseur, il y a deux possibilités. Soit il sort dans la voie numéro 1, soit il sort dans la voie numéro 2. On va par convention appeler ces résultats plus 1 ou moins 1, peu importe. On pourrait l'appeler ordinaire, extraordinaire, peu importe. Et le point clé est que ce polariseur, on peut choisir son orientation. Donc pour chaque orientation, on peut avoir le résultat plus ou le résultat moins. Et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le point clé, c'est que il faut que je choisisse mon orientation. Je ne peux pas simultanément faire la mesure pour deux orientations différentes. Je dois en choisir une. Donc je choisis une orientation. Et puis sur le photon qui est de l'autre côté, à 12 mètres dans mon cas, je choisis aussi l'orientation. Si les deux orientations choisies sont parallèles l'une à l'autre, alors je constate la corrélation parfaite dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire si j'ai plus un d'un côté, j'ai plus un de l'autre, si j'ai moins un d'un côté, j'ai moins un de l'autre, et pourtant quand je ne regarde qu'un côté, ça a l'air parfaitement aléatoire. Là où l'expérience est importante et où elle utilise toute la découverte de John Bell, c'est qu'on va ensuite choisir une deuxième situation dans laquelle les deux polariseurs ne sont pas parallèles. Et on va regarder dans quel pourcentage on obtient plus 1 et dans quel pourcentage on obtient plus 1 moins 1 ou moins 1 plus 1. La mécanique quantique permet de calculer ça. Et John Bell nous dit, si les deux photons avaient une polarisation avant qu'on mesure cette polarisation, alors la corrélation ne pourrait pas être plus forte qu'un certain niveau, alors que la mécanique quantique nous dit que ça va être plus fort que cette limite de Bell. Et l'expérience consiste à mesurer cette corrélation en fonction des orientations des polariseurs. Et maintenant, passons au dernier point, celui que, dès le début, je voulais avoir dans mon expérience, c'est le fait que, de façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de communication entre les deux polariseurs qui sont à 12 mètres l'un de l'autre, je change l'orientation du polariseur avant que le photon arrive, juste au dernier moment, juste avant qu'il arrive. Et évidemment, quand je dis juste avant qu'il arrive, ça veut dire pendant que le photon est en train de se propager entre la source et le détecteur. Or, ça va vite un photon. Oui, ça va vite, ça va à la vitesse de la lumière par définition. Et en tous les cas, pour les 6 mètres qui séparent la source du détecteur, on a 20 nanosecondes, 20 milliardièmes de seconde. Et donc, il faut être capable de changer l'orientation plus vite que ça. Effectivement, j'ai réussi, j'ai trouvé une astuce qui me permettait de changer l'orientation en gros toutes les 10 nanosecondes. C'est-à-dire, je le changeais une à deux fois alors que le photon était en train de se promener entre la source et le détecteur. Et là, eh bien... C'est-à-dire que le photon, si j'ose dire, il découvrait l'état du polariseur en cours de route. Exactement. Et donc, dans la vision de Copenhague, c'est effectivement l'interaction entre le photon et le polariseur qui détermine sa polarisation, alors que dans la vision réaliste locale d'Einstein, dès le départ, le photon a un ensemble de propriétés qu'Einstein appelle la réalité physique, et c'est cet ensemble de propriétés qui vont déterminer le résultat de la mesure. C'est quand même une histoire de fou, Alain Aspect, non ? Oui. Quand on se met à la place d'un photon, on n'arrive pas à retenir un point de vue qui soit cohérent. Oui, alors, j'ai été mis en garde par John Bell quand je lui ai rendu visite au printemps 1975. John Bell m'a dit « Monsieur Aspect, attention, si on passe tout son temps à réfléchir au fondement de la mécanique quantique, on est en danger de folie. » Et moi-même, ajoutait John Bell, pendant toute la semaine, je fais de la physique normale. Mais pendant le week-end, je réfléchis au fondement. Et il m'a dit, je vous mets en garde, ne passez pas tout votre temps à réfléchir au fondement. Quand on est expérimentateur, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a des problèmes concrets, il faut visser des vis, il faut réparer des fuites. Donc, on a les pieds aussi dans la vraie matière. Alors, vous l'avez dit, Alain Aspect, votre expérience vous a demandé plusieurs années pour mettre au point la source, le dispositif expérimental dans son ensemble. Vous étiez par ailleurs professeur. J'étais maître assistant à l'ENS de Cachan. Et donc votre emploi du temps, c'était quoi ? Mon emploi du temps, c'était, comme tout enseignant-chercheur, beaucoup de temps pour l'enseignement et puis beaucoup de temps pour la recherche. Donc certainement plus de 35 heures, il n'y a aucun doute. J'ai quand même eu la chance de bénéficier de deux ingénieur à l'Institut d'Optique, l'un qui était un ingénieur opticien, Gérard Roger, l'autre qui était un ingénieur électronicien, André Willing, qui, au fond, faisait progresser la fiabilité de l'expérience pendant que j'étais à Cachan en train de faire mon enseignement. C'est-à-dire que on explorait quelque chose de nouveau et on commençait à avoir un premier signal. Et à ce moment-là, on comprenait un petit peu quel était la bonne façon pour obtenir ce signal. Et si j'enseignais pendant deux jours, lorsque je revenais au bout de trois jours, ils avaient amélioré les choses de façon à ce que ce ne soit plus un résultat qu'on obtient comme ça au vol pour la première fois, mais que ça devienne quelque chose de systématique. Donc j'ai eu la chance d'avoir des gens qui fiabilisaient l'expérience une fois qu'on avait fait la première exploration. Parce que en permanence, on découvrait quelque chose que personne n'avait vu. Et si aujourd'hui on devait refaire l'expérience avec les moyens disponibles aujourd'hui, est-ce qu'elle serait beaucoup plus simple ? Ah, infiniment plus simple. Comme je vous l'ai dit, il a fallu qu'on développe des lasers dont il fallait régler toutes les caractéristiques et c'est nous-mêmes qui avons développé une grande partie de ces possibilités de réglage. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des lasers, presse-bouton, vous appuyez sur le bouton et le laser vous délivre directement la radiation que vous voulez. C'est moins drôle, mais est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez compris, est-ce que d'ailleurs c'est une journée ou est-ce que ça a été un processus plus continu ? Vous avez compris que les inégalités de Bell étaient violées, en gros que le débat était tranché en faveur de la physique quantique telle qu'elle est. Ah ben ça, on le voit en direct. C'est quand on est dans le labo. Comme je vous l'ai dit, j'avais des signaux très intenses. Donc en quelques heures, donc en une seule séance d'enregistrement, on voyait que les inégalités de Bell étaient violées. Alors après, on recommence pour améliorer la statistique, pour être sûr qu'on s'est pas trompé. Quelle a été votre réaction ? Est-ce qu'il y a une émotion particulière ? Est-ce qu'il y a le sentiment d'avoir marqué un... Alors en fait, bon, alors il y a quand même une émotion, puisqu'il était 2h du matin, et que j'ai passé un coup de fil à ma femme, et il vous échappe pas que je suis du Sud-Ouest, et donc pour fêter les grands événements, elle est arrivée avec une boîte de foie gras, et une bouteille de sauterne, et nous avons fêter le fait que l'expérience avait marché sans défaut, etc. Maintenant, si je me place avec du recul, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs expériences intermédiaires. Et en particulier, il y a eu la deuxième expérience avec Philippe Grangier, qui faisait une thèse de troisième cycle, qui est depuis devenu un grand physicien, comme vous le savez. Et dans cette expérience, qui était dans la thèse de troisième cycle de Philippe Grangier, nous avons fait un test des inégalités de Bell sans changer l'orientation des polariseurs, mais avec des résultats d'une précision incomparable avec toutes les expériences précédentes, et les résultats avec une précision ahurissante pour l'époque, tombaient exactement sur les prévisions de la mécanique quantique. Donc, ça incitait quand même à avoir le préjugé que, oui, la mécanique quantique, ça a l'air quand même de marcher de façon remarquable. Et donc, quand on est arrivé à la troisième expérience, certes, il y avait ce phénomène totalement nouveau de changement d'orientation, mais malgré tout, la mécanique quantique avait l'air de bien se défendre et elle s'est défendue jusqu'au bout. Alors comment ça s'est passé ensuite ? D'abord, j'ai dit tout à l'heure que si Einstein avait eu connaissance des résultats, sans doute serait-il tombé de sa chaise. Est-ce que j'ai raison ? Alors, la première réaction peut-être, mais malheureusement, ce qu'on ne sait pas et qui serait le plus intéressant, c'est de savoir quel aurait été son commentaire. Il aurait trouvé quelque chose d'intelligent à dire. Et c'est dommage que nous ne sachions pas ce qu'il aurait trouvé d'intelligent à dire. Et la réaction de Bohr, vous l'imaginez aussi ? Ah, la réaction de Bohr aurait dit « Voyez, je vous l'avais bien dit ». Alors moi, je me souviens, j'étais étudiant et j'ai découvert votre expérience en lisant le journal Le Monde, qui en avait fait sa une. Comment ça s'est passé pour vous, la publication de ces articles, ou bien la soutenance de la thèse en 83, je crois. Oui. Il y a eu quand même une promotion médiatique de ce résultat qui a été très très forte. Oui, mais ça encore, ça a été un processus continu. C'est-à-dire, quand j'ai commencé en 1974-1975, la plupart des physiciens étaient d'avis que c'était une expérience qui n'avait pas d'intérêt, parce que tout le monde savait bien que Bohr avait raison contre Einstein et que ça n'avait pas d'intérêt particulier. Et puis, progressivement, au fur et à mesure des années, j'expliquais aux gens que le théorème de Bell, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est absolument limpide, et si les gens acceptaient de regarder un petit peu en détail quel est le raisonnement de Bell, ils disaient « Ah oui, ça c'est vraiment intéressant ». Et donc, progressivement, les gens ont accepté de considérer que ça valait la peine. Et à ce moment-là, ils ont vu que, effectivement, j'avais pas eu tort de me lancer dans cette expérience. Vous avez donné beaucoup de conférences à toutes sortes de publics, oui, pour expliquer ce résultat. Oui, parce que il commençait à y avoir un petit peu de buzz, comme on dit aujourd'hui, et les gens disaient, ah, il y a un truc, là, les inégalités de Bell, il paraît que c'est intéressant, faudrait quand même qu'on regarde. Et à ce moment-là, quelqu'un disait, ah, bah, tu sais, il y a un jeune physicien, là, Aspect, il fait des expériences dessus, faudrait peut-être l'inviter, parce que quelqu'un qui fait des expériences, c'est quand même quelqu'un de sérieux, a priori. Et donc, on m'invitait, et comme j'avais été enthousiasmé par la clarté du raisonnement de Bell, eh bien, je suis un professeur, je suis un enseignant, j'aime communiquer, j'aime expliquer. Et donc, j'expliquais aux gens pourquoi le théorème de Bell était vraiment intéressant, et comme le théorème de Bell est vraiment intéressant, les gens se laissaient convaincre. Et donc, quand je suis arrivé au moment des résultats, les gens étaient convaincus que ça valait la peine de faire cette expérience, dont ça a été très bien reçu. Dans le petit livre que j'ai cité, là, que vous venez de publier, Einstein et les révolutions quantiques, vous parlez d'une deuxième révolution quantique. La première, c'est celle que j'ai évoquée dans mon introduction, c'est-à-dire la mise sur pied d'un nouveau formalisme. Et puis, cette deuxième révolution, c'est on prend au sérieux cette intrication quantique que vous avez révélée expérimentalement, et ça ouvre des portes nouvelles, notamment sur les applications de la mécanique quantique. Absolument, c'est un sujet qui aujourd'hui est bouillonnant, c'est le fameux sujet des technologie quantique, des grandes compagnies américaines qui ont beaucoup d'argent, Google, IBM et bien d'autres, ont lancé des programmes de recherche sur les technologies quantiques. L'Europe, pour ne pas se laisser dépasser, a lancé un programme qu'on appelle le flagship quantique, où on annonce 1 milliard d'euros. Bon, il ne sert pas vraiment 1 milliard d'euros sur la table, mais si on ajoute tout, ça fait quand même beaucoup d'argent. Chaque gouvernement un petit peu responsable met quelques centaines de millions, et j'espère bien que d'ici quelques semaines, nous apprendrons que le gouvernement français met aussi quelques dizaines, et j'espère quelques centaines de millions sur le sujet. Alors, de quoi s'agit-il ? Comme vous voulez de le dire, au début des années 1980, les physiciens ont réalisé, Feynman en particulier, le grand Feynman, ont réalisé que l'intrication est vraiment d'une nature différente de la dualité onde particules. En deux mots, pourquoi ? La dualité onde particules, ça s'applique à une particule unique. j'ai un photon ici, je mesure la polarisation suivant une direction ou suivant une autre. J'ai un électron, je mesure soit sa vitesse, soit sa position. Voilà la dualité pour une seule particule. L'intrication, ça porte sur deux particules et donc ça va se décrire dans un espace qu'on appelle un espace de Hilbert, c'est un espace mathématique dans lequel il va falloir prendre en compte les quatre possibilités pour la paire, c'est-à-dire le résultat peut être soit plus-plus, plus-moins, moins-plus ou moins-moins, dans un espace de dimension 4. Et ce que les physiciens ont réalisé dans les années 1980, c'est après donc qu'ils aient commencé à réfléchir à tout ça, c'est que si maintenant, au lieu d'en intriquer 2, on en intrique 10, eh bien on s'aperçoit que l'espace dans lequel on opère, il a une dimension 2 puissance 10, ce qui est déjà 1000. Si on intrique 20, l'espace a une dimension 2 puissance 20, c'est-à-dire 1 million. Et donc on se dit, si j'ai simplement 20 particules intriquées devant moi, que l'on décrit dans un espace dont la dimension est 1 million, ça veut dire qu'on peut mettre là-dedans une quantité d'informations absolument faramineuse, sans comparaison avec la quantité d'informations qu'on peut mettre dans les ordinateurs classiques. Et si en plus on peut travailler sur ce système intriqué, on peut traiter simultanément ce million ou ce milliard, si on a 30 particules, d'informations en parallèle, on arrive à l'idée d'un parallélisme massif et dont, en principe, on devrait pouvoir faire des calculs absolument inaccessibles pour les ordinateurs dont nous disposons vous aujourd'hui. Vous êtes en train de me parler d'ordinateur quantique à l'instant. Je suis en train de parler d'ordinateur quantique. Alors ça, c'est l'idée de départ, l'idée qui a été développée dans la fin de la décennie 80. On sait donc qu'il y a un certain nombre de groupes dans le monde qui se sont lancés dans la réalisation de bits quantiques, dont équivalent à mes photons. Alors il y a des ions, il y a des atomes de Rydberg, il y a des circuits supraconducteurs. Et donc un certain nombre de groupes se sont lancés dans la réalisation et dans de dispositifs dans lesquels on maîtrise un certain nombre de bits quantiques, les fameux qubits, et surtout la possibilité de les intriquer et puis de regarder. Mais il y a un phénomène qui vient embêter tout le monde, c'est qu'il y a toujours des perturbations dans la vraie vie. Et ces perturbations, ce qu'on appelle la décohérence par exemple... Dans la vraie vie des particules en l'occurrence. Dans la vraie vie des physiciens expérimentateurs dans les laboratoires. Et donc, les qubits qu'on a dans les laboratoires ne sont pas tout à fait idéaux, pas tout à fait parfaits, et donc on a un petit peu échelonné les objectifs. C'est-à-dire qu'on se dit, les qubits parfaits, pour avoir des qubits parfaits, il va falloir utiliser des algorithmes de correction d'erreurs. Ces algorithmes de correction d'erreurs demandent à ce qu'on remplace un qubit parfait par un grand nombre de qubits réels dans lequel on répartit l'information, et ça, on n'est pas prêt d'y arriver. Et en revanche, il y a un progrès qui est apparu, un progrès conceptuel qui est apparu ces dernières années, qui est qu'il y a un certain nombre de problèmes que l'on va pouvoir résoudre même avec des qubits réels. C'est ce qu'on appelle un acronyme qui s'appelle le NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. C'est-à-dire avec des qubits pas parfaits, on va pouvoir traiter des problèmes inaccessibles à nos ordinateurs. Alors de quoi s'agit-il ? Problème d'optimisation. On cherche à optimiser quelque chose. Par exemple, le fameux problème du voyageur de commerce qui doit passer dans 30 villes différentes. Quel est le meilleur itinéraire ? Quel est l'itinéraire qui optimise son trajet ? C'est-à-dire qui aboutit au trajet le plus court. Eh bien, on ne sait pas le résoudre avec un ordinateur habituel parce que la taille du problème augmente exponentiellement avec le nombre de villes. Donc, pour 5 villes, ça va. Pour 15, c'est difficile. Et pour 30, on n'y arrive pas. Eh bien, il semble qu'avec ces ordinateurs quantiques imparfaits, on doit pouvoir y arriver. Alors moi, il y a un problème qui me tient particulièrement à cœur, et il faut dire que ça intéresse un certain nombre de grandes sociétés, comme par exemple EDF, c'est le problème de l'optimisation de la grille électrique. Nous avons d'une part des centrales de production d'électricité, et par ailleurs, des consommateurs. Et en permanence, tout change. Alors les centrales nucléaires, ça change pas, ça fournit, ça travaille régulièrement 24 heures sur 24, mais le solaire, ça varie, encore qu'on peut prédire normalement quand il fait jour et quand il fait nuit, mais pas toujours les nuages. Mais par exemple, les éoliennes, on parle beaucoup d'éoliennes. Alors ça, pour le coup, ça change tout le temps. Et donc, il faut en permanence optimiser la façon dont on redistribue le courant entre les consommateurs qui, eux-mêmes, passent leur temps à changer. La production doit être égale à la consommation. Et puis surtout, bien répartir, bien la diriger dans la grille. Et cette optimisation de la grille fait partie de ces problèmes d'optimisation qui sont des problèmes difficiles. Par difficile, c'est un mot simple pour dire que, en fait, ce sont des problèmes dont la taille augmente exponentiellement avec le nombre d'objets que vous avez à connecter entre eux, ce qui veut dire que très rapidement, on sature les ordinateurs les plus puissants. Et donc, si on n'est pas capable de résoudre le problème en moins que quelques minutes, c'est même pas la peine. Il semble que ces ordinateurs, dits ordinateurs NISQ, vont être capables de résoudre ces problèmes-là. Moi, je suis très excité par ça, parce que si on m'avait dit, en 1982, quand je pensais avoir tranché entre Bohr et Einstein, ce qui était pas mal quand même pour un physicien, se dire « j'ai tranché entre Bohr et Einstein », c'est quand même drôlement intéressant. Mais je pensais que ça y était, j'avais répondu à une question de principe, et puis voilà, maintenant je vais faire autre chose. D'ailleurs, j'ai fait autre chose, je suis passé aux atomes froids avec Claude Cohen-Tanoggi. Mais si on m'avait dit qu'un jour, l'intrication pourrait servir à régler, à optimiser la grille électrique, j'aurais pris les gens qui me racontaient ça pour des fous. Et est-ce que vous aviez perçu que votre découverte, enfin ce test expérimental, allait ouvrir à d'autres possibilités, comme la cryptographie quantique, comme on l'appelle? Est-ce que cette application a été immédiate ou est-ce qu'il a fallu du temps pour comprendre? Pas du tout. En quoi cette découverte avait ce type d'application possible? Pas du tout. Je vais vous répondre avec précision sur la cryptographie quantique, parce que je m'en souviens parfaitement. J'avais donc quitté le domaine des inégalités de Bell et je travaillais avec Claude Cohen-Tanoggi, Jean Dalibard, Christophe Salomon sur le développement des méthodes de contrôle d'atomes par laser, et j'avais complètement laissé de côté cette histoire d'inégalités de Bell et de photons intriqués. Et puis, il y avait des conférences je me rappelle plus le nom de ces conférences, au début des années 90, qui réunissaient à la fois les gens qui travaillaient sur les atomes froids et les gens qui continuaient à travailler sur l'optique quantique. Et j'arrive à cette conférence, et un jeune physicien vient s'asseoir en face de moi et me dit, en anglais, « Est-ce que vous savez, docteur Aspect, très poli, qu'avec vos photons intriqués, on peut faire de la cryptographie quantique ?» Ce physicien s'appelle Arthur Eckert, et il venait d'avoir l'idée de sa méthode de cryptographie quantique utilisant les photons intriqués, qui consiste à transmettre de façon absolument secrète l'information entre les deux photons intriqués sans qu'un espion puisse prendre connaissance de cette information, car s'il prend connaissance, il sera automatiquement pris. On saura qu'il y a un espion. Et l'information sera détruite. Non. Oui, puis peu importe, même si elle est pas, si elle n'était pas détruite, on sait qu'il y a un espion, on sait donc que les données qui viennent d'être transmises là, il ne faut pas les utiliser. Et ça, c'est une application qui est, pour le coup, actuelle? Absolument. Alors, il y a une autre méthode qui avait été développée en 85, mais personne l'avait remarqué. C'est une méthode basée sur les photons uniques, pour le coup, la méthode dite Bennett et Brassard, qui sont deux physiciens canadiens et américain, et les deux méthodes sont appliquées. Et puis je dois dire qu'il y a quand même une troisième méthode que personnellement je pense doit être explorée sérieusement, qui a été développée par mon thésard Philippe Grangier, qui était mon premier thésard et qui a été inspiré par tout ça, une méthode dite à variable continue. Mais tout ça, ce sont des technologies qui sont effectivement développées. Il y a même déjà des start-up qui fournissent des appareils de cryptographie quantique. Alors, si on revient à l'ordinateur quantique, à l'aspect, il y a des effets d'annonce. Google annonce que... Oui, alors... Est-ce qu'il faut prendre au sérieux? Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura des ordinateurs quantiques? Et si oui, est-ce qu'ils seront à la portée de n'importe qui? Ou alors, il faut... Premièrement, les effets d'annonce. Un, il faut les prendre au sérieux. Et deux, il faut quand même protester contre l'exagération. L'expérience qui a été faite chez Google est une expérience extraordinaire, avec un appareil formidable et des physiciens qui sont parmi les meilleurs au monde. Ils ont obtenu un résultat et ils nous ont dit, ce résultat, un ordinateur classique mettrait, alors on peut en discuter, mais 1000 ans, 100 ans pour obtenir ce résultat, et nous on l'a obtenu en quelques secondes ou quelques minutes. Ce qu'ils viennent de dire est vrai, sauf que ce résultat, c'est pas eux qui ont choisi un problème en disant « je vais m'attaquer à ce problème ». C'est la nature qui leur a fourni quelque chose. C'est pas eux qui ont choisi ce qu'ils allaient regarder. On leur fournit un résultat et ils disent « Regardez quand même à quelle vitesse on a obtenu ce résultat. » Et si je voulais le calculer, il me faudrait beaucoup de temps. Moi, je dis que l'avantage ou la suprématie quantique dont tout le monde parle, je reconnaîtrai qu'elle a été démontrée le jour où on aura choisi un problème qui sert à quelque chose et qu'on aura montré qu'avec un de ces ordinateurs quantiques, on arrive à avoir la solution plus vite qu'avec un ordinateur classique. Donc, on est quelque part dans la phase intermédiaire. Mon intime conviction est que d'ici 5 ans, nous aurons la réponse. Et c'est ce que je plaide au niveau des politiques français, que j'essaie de convaincre, que si ça se révèle une voie très fructueuse dans 5 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut partir, d'autant plus qu'en France, nous avons une base dans les laboratoires extrêmement solide. Alors maintenant, parlons d'autre chose. Le fameux ordinateur quantique universel, celui dont on rêvait au début avant d'avoir accepté de rabattre nos prétentions. L'ordinateur quantique universel, je me sens vis-à-vis de lui dans la même position que je me sentais il y a 30 à 40 ans vis-à-vis de la détection des ondes gravitationnelles. Voilà ce que nous avions dit à l'époque dans une commission à laquelle j'avais appartenu. Aucune loi physique fondamentale n'interdit d'arriver à détecter les ondes gravitationnelles avec un de ces grands interféromètres. Mais les sauts technologiques à franchir semble extraordinairement difficile et personne ne peut dire à quelle échelle de temps on le fera. Einstein lui-même pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter. Eh bien, 30 ans plus tard, on a réussi à les détecter. Eh bien, vis-à-vis de l'ordinateur quantique universel, je me sens dans la même position. Je pense qu'aucune loi physique fondamentale ne l'interdit, mais on n'est pas près de l'avoir. Ça m'amène à la dernière question, à un aspect, vous parlez d'ondes gravitationnelles, donc de gravitation. On n'a pas dit que la physique quantique, qui n'a jamais été prise en défaut, a quand même un défaut, qui est de ne pas décrire la gravitation, qui est décrite à part par la relativité générale. Est-ce que vous pensez que cette fusion entre les deux formalismes que beaucoup de théoriciens tentent de construire changerait la façon dont on lit la physique quantique? Vous avez parlé du papier d'Einstein de 1935, qu'il a écrit avec Podolsky et Rosen, on l'appelle le papier EPR, oui. Mais la même année, en 1935, Einstein a écrit un autre papier qu'on appelle le papier ER, uniquement avec Rosen, sur ce qu'on appelle les trous de ver. Et il y a des conjectures aujourd'hui qui disent que l'intrication quantique serait un effet de gravitation intermédié par justement des trous de ver ou des anomalies de topologie dans l'espace-temps. Est-ce que ça vous parle ou pas ? Alors, ça sort totalement de mon domaine de compétence. La seule chose que je peux dire, c'est que il me semble que arriver à mettre ensemble la mécanique quantique et la gravitation devrait être un moyen de progresser si on arrive à les mettre ensemble, on va progresser et peut-être qu'on comprendra mieux ces phénomènes extraordinaires comme l'intrication. Merci Alain Aspect d'être venu nous voir, c'était un grand plaisir de vous entendre raconter cette expérience qui a marqué toute une génération, en l'occurrence la mienne, dans les années 80, lorsque nous étions étudiants. Vous connaissez cette phrase de Erwin Schrödinger dans La situation actuelle en mécanique quantique, un article qu'il a écrit justement en 1935, il dit ceci: la meilleure connaissance possible d'un système n'implique pas celle de chacune de ses parties, c'est cela qui nous hante. Eh oui, Schrödinger avait déjà tout compris. Voilà. Merci à l'aspect, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.